On va parler, on continue notre analyse des meilleurs prospects en vue du prochain repêchage qui va avoir lieu jeudi prochain. Et aujourd'hui, ben, on va parler des head rushers et également des secondaires avec notre ami Wallet. Salut Wallet! Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, évidemment, donc cette année, donc il y a quand même une bonne QV du côté des head rushers. Et le premier joueur, évidemment, je commence même à voir des affaires sur Facebook, comme de quoi que sur les médias sociaux, comme de quoi que les Bengals Cincinnati pourraient y aller avec Chase Young au lieu de Joe Burrow. Est-ce que tu crois à ça? Non, j'ai de la misère à croire Non. à ça. C'est la saison Des saison rumeurs. des fausses rumeurs là, du on veut peut-être qu'on veut provoquer quelque Surtout qu'il n'y a pas de chose, sport mais non plus à se mettre sous la dent. ah, exactement. Puis lorsque je regarde NFL Network, là, même si j'apprécie beaucoup leur couverture en marge du repêchage, il y a beaucoup de trous à remplir Ben oui. actuellement. Puis on essaie de trouver les solutions, les pistes possibles que certaines équipes devraient faire, mais je pense pas voir Chase Young repêché numéro 1, même si selon moi c'est le meilleur joueur du repêchage. Les besoins des Bengals sont clairement d'aller chercher un nouveau corps arrière. Je pense pas que Andy Dalton soit la solution pour les 5 prochaines années pour cette équipe-là. Puis au grand plaisir des Redskins qui eux sont deuxièmes, puis on Ouais. va mettre la main sur un joueur qui ça fait longtemps que je le dis, puis j'essaie de pas exagérer, mais je le vois potentiellement un jour être au temple de la renommée du football professionnel. Quand je le regarde jouer ses matchs avec les Buckeyes d'Ohio State, il me rappelle un peu le Julius Peppers des belles années, On parle un de gars qui Von était Miller dominant. aussi. Est-ce que la comparaison se tient avec Von Miller? Ouais, ben de ce que je vois là, il y a plusieurs comparaisons, que ce soit Julius Peppers, que ce soit Von Miller. J'en ai vu une autre passer là, récemment que j'aimais, là, qui m'oublie, là. Mais vraiment, on parle de comparaison avec des joueurs tout étoiles. Je pense que les risques d'échec dans le cas de Chase Young, une fois rendu à la NFL, sont très, très minces. Surtout avec ce qu'il a fait avec les Buckeyes d'Ohio State. Puis d'autant plus que s'il est repêché par les Redskins, même s'ils repêchent deuxième, leur défensive est loin d'être piquée des vers. C'est une défensive qui est quand même intéressante avec déjà des joueurs talentueux. Donc, tu combles un trou dans une unité défensive qui est déjà excellente. Je pense que Chase Young devrait avoir du succès assez rapidement dans la NFL. OK, le deuxième maintenant que dans les edge rushers qu'on dit, c'est Epenesa de Loyola, un gros edge rusher de 6 pieds 6, 280 livres. Ouais, puis je suis content que tu me le présentes comme le deuxième, Ouais. parce que dans les dernières semaines, pour une raison que j'ignore, c'est un joueur qui baisse énormément dans les différents mock OK. drafts. Puis pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle passée aujourd'hui, là, les mock drafts, ou qu'est-ce qu'on appelle en bon français, les repêchages simulés, c'est Ian Rappaport de NFL Network qui est sorti en disant qu'il a parlé avec un directeur général qui lui disait que qu'est-ce qu'il lui voyait sur les internets, c'était extrêmement contradictoire de qu'est-ce qu'il entendait par rapport à ses homologues, les autres directeurs généraux de la NFL. Donc, on devrait s'attendre à beaucoup de surprises. Mais un gars comme AJ Epenesa qui recule constamment dans les mock drafts, moi, je serais pas surpris de le voir sortir probablement plus haut que le top 15. Comme tu viens de le mentionner, un gars de 6 pieds 6, 280 livres, Ouais. il se déplace vraiment, là, c'est assez hallucinant de voir se déplacer pour un gars de cette grosseur-là. Il est capable de faire mal paraître n'importe quel joueur de ligne offensive de la NCAA, donc selon moi, ça va se traduire dans la NFL. Une chose avec AJ Epenesa qu'on voit peut-être moins que d'autres joueurs, c'est que c'est pas le joueur qui, pardonne-moi mon anglicisme, c'est pas un joueur vraiment flashy là, qui fait des, tu sais, qui fait des jeux rocambolesques, qui fait un sac du corps à l'arraché. Ouais. C'est juste un joueur efficace, puis c'est un gars qui a produit longtemps à Iowa. Dans une conférence, on le sait, là, la Big Ten, c'est une conférence là, que les joueurs de ligne offensive, défensive, qui sortent de ces conférences-là sont habituellement très talentueux. Donc, avoir un succès comme edge rusher à Iowa, c'est souvent un bon signe là, lorsque tu t'arrives dans la Le NFL. troisième qu'on regarde, c'est Clavin Chason, un gars de LSU, 6 pieds 4, 250 livres, qui a quand même eu 19 plaqués, 9 sacs, quart et demi, donc en 2 saisons avec LSU. Ouais, puis là, rendu au troisième rang, je pense que c'est vraiment là qu'on commence Ouais. à avoir une divergence d'opinion, là. Il y a certaines personnes qui vont placer Clavon Chasen ou ils vont placer Yetur Gross-Matos de Penn State. Deux gars qui sont relativement différents dans leur style de jeu. Quand je regarde un gars comme Chasen, il me fait penser un peu à Rashan Gary qui avait été repêché 12e l'an dernier par les Packers de Green Bay. Lorsqu'on regarde ses meilleurs moments en carrière avec LSU, on se dit que c'est tout un joueur de football. Le seul problème, c'est que il manque de constance. Un peu comme Rashan Gary qui, avec les Wolverines du Michigan. Un joueur qui manquait de constance a tous les côtés athlétiques possibles pour exceller une fois dans la NFL, mais on aimerait ça le voir produire de façon régulière pour son équipe, puis c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis, veux pas, lorsque tu évolues dans une défensive comme celle de LSU, avec autant de joueurs talentueux alentour de toi, parfois ça te fait bien paraître à des moments où, justement, tu donnes pas ton effort à 100%. Du côté de Yetur Gross-Matos, que moi je classerais moi aussi dans mon top 4, un joueur qui nous rappelle Jason Pierre-Paul, un joueur aussi qui est versatile avec des bons attributs physiques, là, des attributs qui s'enseignent pas vraiment. Une bonne force d'attaque, on aime son premier pas, on aime son placement de main une fois qu'il s'attaque au joueur de ligne offensive adverse. Donc, quatre gars qu'on vient de nommer, Danny, là, qui selon moi devraient tous être repêchés parmi le top 20 de la première ronde le jeudi soir. Donc, on va suivre ça. Donc, si t'as quatre gars dans les 20 premiers, on peut dire que c'est une bonne année du côté des head rushers, là. Oui, effectivement. Puis j'ai mes articles ici que j'ai écrits sur la page du leblitznfl.com. Ça a été la. Il y a deux positions. Toutes les positions, j'ai fait deux articles pour diviser le plus de joueurs possible. Les receveurs de passe, puis les edge rushers. Il a fallu que je fasse trois articles juste parce que la classe est tellement complète et tellement bonne. Il y a beaucoup de gars qui vont sortir le vendredi soir, là. Je pense à des gars comme Bradley Anae de Utah, Zach Bond de Wisconsin, Julian Okawara de Notre-Dame. C'est tous des joueurs que je vois sortir le vendredi soir qui pourraient avoir un impact immédiat et important dans la NFL pour les prochaines années. OK, donc on va y aller maintenant avec les secondaires. C'est quand même intéressant quand même de ce que tu as dit. Tu vois Jeff Okudah d'Ohio State comme étant le premier secondaire à être repêché. Jeff Okudah, c'est un demi de coin. Ah, OK, excuse-moi, demi de coin, j'ai... Ouais, on va y aller avec les demi de coin, tiens. T'as qu'à y être sur... OK, parfait. Ouais. On va poursuivre avec ça. Ouais, Jeff Okudah, là. Puis, fait intéressant là, pour ceux qui ne le savaient pas. Joe Burrow, qui naturellement a tout gagné avec LSU cette saison, à la base, il avait été recruté par Ohio State. Donc, si Jeff Okudah se fait repêcher troisième derrière Joe Burrow et Chase Young, ça sera la première fois de l'histoire de la NFL qu'une équipe de l'NCAA se voit trois de ses joueurs qui, eux, ont recruté partir dans le top 3. Donc, ça serait assez intéressant. Dans le cas de Jeff Okudah, c'est un peu comme Chase Young, il n'a plus besoin de présentation. C'est un joueur qui. Je regardais justement des vidéos de lui cette semaine encore, puis. Il me rappelle Patrick Peterson des belles années. Un gars qui est en couverture homme à homme est excellent. Tu peux le placer aussi en couverture de zone, en couverture de passe, puis il va bien faire paraître ta défensive. On le sait, le Matt Patricia, l'entraîneur-chef des Lions de Détroit, c'est un génie défensif. Si tu as la chance de mettre la main sur un gars comme Jeff Okudah, tu peux un peu le transformer comme ton Stephen Gilmore, comme qu'il y avait avec les Patriots. Moi, je pense que je vois mal Jeff Okudah chuter hors du top 3, à moins que les Lions décident d'échanger leur choix au repêchage. OK. Deuxième, tu y vas avec un joueur de LSU, Christian Fulton, qui devrait être le deuxième demi de coin repêché. Ouais, Christian Fulton, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'en début de saison dernière, j'avais fait mon top 50 des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, puis je classais en premier rang Graham Delpit, qui est un maraudeur pour les Tigers de LSU. Puis naturellement, si je classe quelqu'un premier, je vais vouloir porter un peu plus attention à lui lorsque je fais mes analyses en fonction du repêchage. Puis match après match, sans dire que Grant Delpit me décevait, c'était vraiment Christian Fulton qui attirait mon œil. Il était sur le terrain. À tous les jeux, j'avais l'impression qu'il était proche du ballon, qu'il était en mesure de créer quelque chose. On parle d'un gars là, qui, encore une fois, la couverture en main-homme est excellent. Lorsque les ballons sont lancés dans sa direction, il y a un ratio, je pense, d'une passe complétée en 2019. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Un gars qu'on compare à AJ Bouye, qui est maintenant rendu avec les Broncos de Denver, si je me trompe pas. Un gars là, qui sera repêché le jour 1, puis il faut rentrer dans la NFL, devrait être partant aussi là, dès la première semaine. Troisième ailier pas secondaire, mais demi de coin, Trevor Diggs de Alabama. Ouais, Trevor Diggs, là, pour ceux qui se posaient la question, parce que le nom semble familier, Ouais, c'est Steven Diggs? Ouais. c'est le frère exactement de Stephen Diggs. OK. Trevor Diggs, là, c'est vraiment un joueur qui laisse personne indifférent. Là. Je vois des mock draft, des repêchages simulés, pardon, le placer aussi haut que en fin de première ronde. Puis je vois d'autres le placer peut-être en deuxième, même troisième ronde. Nous rappelle un peu Josh Norman là, à l'époque des Panthers de la Caroline. Je pense que les atouts sont là pour Trevon Diggs. J'aime surtout le fait qu'il est 6 pieds 2, 200 livres. Donc, un gros gars en défensive va être en mesure de rivaliser avec les grands receveurs de passe adverses de la NFL. A pas peur là, de se frotter avec des joueurs de 6 pieds 4 et plus. OK. Puis, veux pas lorsque tu pratiques à tous les jours. Avec les Crimson Tide d'Alabama, puis que t'es mis en homme à homme avec Jerry Jeudy, Henry Ruggs, puis Devontae Smith, t'as une certaine aptitude, une certaine expérience que d'autres gars n'ont pas devant toi. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette capsule-là. On va en faire une autre avant le repêchage pour parler des secondaires et les autres prospects. Wallet, on s'en reparle quelque part lundi ou mardi? Parfait. Donc, notre ami Wallet qui nous parlait des meilleurs prospects du côté des head rushers et également des demi de coin.